Agro J'écoute, ça commence maintenant. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Vous pensez manger sain, pourtant un métal lourd se cache peut-être dans vos aliments préférés. Aujourd'hui, on parle du cadmium, ce métal lourd qu'on ingère sans le savoir. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous écouter aujourd'hui. Nous sommes Lilia, Fiona et Mathilde, trois étudiantes de l'école d'ingénieurs de Purpan et nous enregistrons un épisode de podcast dans les locaux de Campus FM dans le cadre de nos études. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on parle du cadmium, un métal lourd qui pollue notre environnement et nos assiettes. Et moi j'ai une petite question, c'est quoi le cadmium ? Alors, je reconnais que le mot cadmium est un mot qui ne parle pas à tout le monde et moi la première. Avant de construire ce podcast, je ne savais pas très bien de quoi il s'agissait. Mais en fait, le cadmium est un métal lourd, toxique et qui a été découvert en 1817 par le chimiste allemand Friedrich Stromeyer. Et rapidement, c'est un élément qui a été utilisé en industrie pour faire notamment des batteries, des pigments et des alliages. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de ça aujourd'hui ? Le sujet du cadmium, il est revenu sur le devant de la scène en juin dernier avec une lettre ouverte écrite par des médecins libéraux et qui mettait en avant les risques pour la santé publique liés à l'exposition chronique au cadmium. Aujourd'hui, ils estiment qu'il y a une surimprégnation de la population française au cadmium et c'est pour ça que ça devient un sujet important. Et il vient d'où ce métal lourd ? En fait, le cadmium provient de plusieurs sources naturelles et on en retrouve presque dans tous les milieux de la planète, donc dans la terre, dans l'eau et même dans l'air. En fait, il est déjà présent dans la roche-mère, mais en très faible quantité, car c'est un élément rare. Par exemple, dans la croûte terrestre, on n'en trouve que 0,5 mg par kilogramme de sol. Néanmoins, cette teneur en cadmium dans les roches-mères, elle peut varier d'une région à l'autre. En France, notamment dans les zones du Jura, de la Champagne ou encore de la Charente, eh bien, ce sont des zones où les roches-mères sont fortement chargées en cadmium. À l'échelle mondiale, on en trouve plus particulièrement, par exemple au Japon, en Chine, dans les Andes ou alors en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais lorsque ces roches-mères vont s'éroder avec la pluie, le vent ou le gel, eh bien elles vont libérer progressivement du cadmium qui peut se retrouver dans le sol ou dans l'eau. C'est le cas aussi des éruptions volcaniques ou des feux spontanés, qui sont des phénomènes naturels qui vont libérer du cadmium. À l'état naturel, le cadmium est souvent lié à d'autres éléments chimiques, ou bien il se fixe sur des particules du sol. Ce qui fait que le plus souvent, en fait, on le retrouve sous forme complexe et peu soluble. Comme l'a dit Lilia, il y a des sources naturelles, mais il y a aussi des sources anthropiques, c'est-à-dire de provenance humaine. Donc le cadmium, il a un usage dans l'industrie pour fabriquer des batteries, des alliages, des pigments. Or, ces activités, elles nécessitent des procédés d'extraction et de production qui peuvent libérer du cadmium dans l'environnement. Donc c'est un métal qui est naturellement rare, mais qui se retrouve ainsi plus facilement dans l'air, le sol et l'eau à cause des activités industrielles et agricoles. Wow, mais ça fait quand même beaucoup de sources possibles ça. Oui, du coup, dans ce podcast, nous allons surtout mettre l'accent sur la pollution des sols par le cadmium, car c'est via ce compartiment que le métal il s'accumule dans les cultures et devient la principale source d'exposition alimentaire, qui est le deuxième facteur de risque après le tabagisme. En effet, si les sources naturelles libèrent progressivement du cadmium, ce sont souvent les activités humaines qui enrichissent massivement les sols, augmentant ainsi la contamination des aliments. Parmi les sources de pollution d'origine humaine, l'utilisation d'engrais constitue la principale source de contribution, représentant entre 60 à 70% des apports de cadmium dans le sol. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que comment le cadmium il se retrouve dans nos engrais ? Et tu fais bien de poser la question, Mathilde. C'est vrai que le lien n'est pas évident. En fait, nos engrais phosphatés sont créés à partir de phosphate de calcium que l'on trouve naturellement dans le sol et qui contient plus ou moins de cadmium selon la région du monde dans laquelle on se trouve. Ok, je comprends un peu mieux. Mais du coup, est-ce que nous, on est concernés en France ou pas ? Eh bien oui, en France, on est particulièrement concernés. Comme je l'ai expliqué, en fait, le cadmium est naturellement présent dans nos engrais phosphatés. Or, en France, un des problèmes vient du fait que la plupart des engrais utilisés proviennent du Maroc et contiennent environ 1,76 fois plus de cadmium que la moyenne européenne. Cette teneur élevée s'explique par la richesse naturelle en cadmium de la roche-mère du Maroc utilisée pour fabriquer nos engrais. Mais si on sait que nos engrais ils contiennent du cadmium, pourquoi est-ce qu'on continue de les utiliser alors ? Eh bien en fait, les engrais phosphatés contiennent un élément nutritif qu'est le phosphore. C'est un élément essentiel pour la croissance des plantes. Il permet notamment le développement des racines, mais aussi la formation des fleurs et des fruits. Le problème étant que dans la plupart des sols, en fait, le phosphore naturel est présent sous forme difficilement accessible pour les plantes. C'est pour cela que les agriculteurs utilisent des engrais phosphatés. Ils apportent du phosphore directement utilisable, ce qui améliore la fertilité du sol et augmente les rendements. Ok, du coup je comprends que pour certains agriculteurs ça peut être compliqué de se passer d'engrais phosphatés. Mais une fois qu'il est dans le sol, est-ce qu'il y reste ou est-ce qu'il va? En réalité, oui, le cadmium va s'accumuler dans les sols, car c'est un élément qui possède une demi-vie assez longue, de 10 à 30 ans environ, et il n'est ni vraiment lixivié, ni vraiment exporté par les récoltes. Donc sa concentration a tendance à augmenter au fil du temps. Mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas tant la teneur en cadmium dans nos engrais qui pose problème, mais plutôt la fréquence de nos apports et la quantité d'engrais que nous épandons qui contribue à son accumulation dans le sol. En France, la moyenne de contamination des sols en cadmium se situe entre 0,51 et 0,67 mg de cadmium par kilogramme de sol. Néanmoins, certaines zones proches des sources industrielles peuvent dépasser le seuil de 1 mg de cadmium par kilogramme de sol. Et dès lors, le risque d'imprégnation des cultures augmente fortement. Du coup, je comprends un peu mieux d'où il vient tout ce cadmium. Mais attends, si je comprends bien, après ce cadmium, on le retrouve dans nos assiettes, c'est bien ça? Mais comment ça se fait? Oui, c'est ça. L'absorption du cadmium par les plantes, elle se fait via un transporteur, donc des voies d'entrée dans les plantes. Une fois dans la plante, le cadmium il s'accumule dans les racines principalement, mais elle touche globalement tous les compartiments de la plante, donc les feuilles, la tige, la graine. Et l'absorption du cadmium par les plantes, elle reste généralement assez faible, car il est souvent peu biodisponible dans le sol. Donc biodisponible, c'est cette absorption qui est faite par les plantes, sa capacité à être absorbée. Donc, lors de la fertilisation, seulement 0,5 à 2,2% du cadmium contenu dans l'engrais est réellement absorbé par la plante l'année de la fertilisation. Le reste du cadmium, il reste dans le sol, il s'accumule au fil du temps. Et cette faible biodisponibilité, elle s'explique par la forme chimique du cadmium, le pH du sol et les variétés de plantes implantées. Ainsi, le cadmium, il a une forte tendance à se fixer à différents composants du sol, comme les argiles ou certains minéraux. Et quand il est fixé à ces éléments, il est moins mobile et surtout moins biodisponible, donc moins absorbé par les plantes. De plus, la capacité des plantes à stocker dépend de leur espèce et de leur variété. Il y a donc des différences de contamination selon les cultures. Et enfin, la biodisponibilité varie en fonction du pH du sol. Ainsi, quand le pH du sol il est autour de 7 ou légèrement plus élevé, la biodisponibilité du cadmium elle diminue fortement. Or, on sait aujourd'hui que quand on fertilise, le pH du sol il a plus tendance à baisser localement, pouvant aller jusqu'à une réduction de 0,6 unités de pH, qui favorise ainsi la biodisponibilité du cadmium. Mais du coup, vu que la plante elle absorbe le cadmium, est-ce que ça va être un élément nutritif comme le phosphore ou pas du tout? Non, pas du tout. Le cadmium, il nuit à la plante, en fait. Il peut ralentir la croissance et réduire les rendements. Donc, par exemple, de jeunes plants d'arachides exposées au cadmium ont montré un retard de croissance, des feuilles décolorées et des racines noircies par rapport à des plantes non exposées. En fait, le cadmium, il provoque un stress dans les plantes quand il est là et il les oblige à mobiliser beaucoup d'énergie pour se protéger, ce qui impacte grandement certains processus essentiels à leur développement, comme par exemple la photosynthèse. Ok, donc attends, si je comprends bien, le cadmium, il est mauvais pour la plante, il s'accumule dans les sols et en plus, il est toxique. Donc ça va impacter directement le métier d'agriculteur, non? Oui, en effet, cela impacte directement le métier d'agriculteur. On peut prendre l'exemple du blé dur, qui est une plante connue pour accumuler facilement le cadmium dans ses grains, et ensuite on le retrouve dans des produits de la vie courante comme les pâtes ou encore la semoule. Et lorsque les grains en fait, dépassent les seuils réglementaires, les parcelles deviennent non commercialisables, ce qui représente une perte économique importante pour les agriculteurs. Avant 2021, la réglementation européenne fixait une limite à 0,2 mg de cadmium par kilogramme de grains. Et avec cette norme, c'était environ 3,7% des parcelles de blé dur françaises qui étaient jugées non conformes. Depuis, plusieurs discussions ont eu lieu pour abaisser ce seuil, et c'est finalement en août 2021 qu'un nouveau plafond a été adopté à 0,18 mg de cadmium par kilogramme de grain. Avec cette règle plus stricte, environ 5,4% des parcelles françaises deviennent non conformes. Et cela a un impact direct sur les agriculteurs qui ne peuvent plus valoriser une partie de leur production. Face à ce problème, une des solutions est de diagnostiquer le risque de contamination des parcelles afin d'anticiper les pertes. Et c'est l'objectif de l'outil blessure qui a été développé par Arvalis et l'INRAE. Il permet aux agriculteurs d'évaluer le risque que leur blé, finalement, dépasse les seuils réglementaires. L'outil utilise des données des analyses de sol et des informations sur la variété cultivée afin de fournir une prédiction fiable du risque de non-conformité. Il aide également les agriculteurs à choisir des variétés de blé dur qui sont moins accumulatrices de cadmium. Donc si je résume, c'est pas sain pour la plante, ça impacte les agriculteurs et nous on l'ingère. Et du coup, est-ce que c'est dangereux pour nous ? Alors en fait, l'exposition au cadmium, elle est quasiment systématique. Il y a une étude qui a été menée sur un panel d'échantillons alimentaires qui représente à peu près 90% des aliments du régime des Français. Et sur toute cette analyse, il y a 79% des échantillons qui sont revenus avec des traces de cadmium dedans. Donc pour donner un exemple, les aliments qui étaient les plus touchés, ça allait notamment être les crustacés, les mollusques, les abats ou tout ce qui contenait des céréales, comme par exemple le pain, les pâtes, les biscuits, les barres de céréales. Et on retrouve également le tabac. Donc ça veut dire que les fumeurs sont plus à même d'être exposés au cadmium. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les aliments à forte teneur, donc les abats et les mollusques, c'est des aliments qu'on consomme le moins. Donc après, et les aliments qui ont une teneur un peu plus modérée, c'est ceux qu'on va consommer le plus. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Ensuite, il y a également une dose journalière tolérable qui a été mise en place. Donc en fait, c'est une quantité de cadmium qui peut être ingérée sans effet néfaste sur la santé. Donc cette dose journalière, elle a été plafonnée à 0,35 microgrammes de cadmium par poids corporel par jour. Pour vous donner un exemple, à peu près, si un adulte de 80 kg venait à manger 150 grammes de pâtes, en fait, ça reviendrait à ingérer 0,2 microgrammes de cadmium par poids corporel. Donc ça veut dire qu'il ne va pas déplacer la dose journalière, mais il va quand même être très proche, sachant que c'est seulement un seul repas. Mince, mais moi je mange des barres de céréales tous les jours pour le goûter. Est-ce que ça veut dire que je suis surexposée ? Alors en fait, toi Fiona, tu vas situer dans la tranche d'âge des plus de 18 ans. Et donc en fait, les chiffres montrent que c'est pas forcément la tranche d'âge la plus exposée. Comme a pu le dire Lilia un petit peu plus tôt, le cadmium a une demi-vie assez longue, donc il est compris entre 10 et 30 ans. Et en fait, le cadmium, il va s'accumuler dans le corps, et c'est justement cette accumulation qui va provoquer une intoxication à long terme. Les études ont pu montrer que la population qui allait être la plus exposée, ça allait surtout être les enfants entre 6 et 17 ans. Donc d'ailleurs, il a été montré que jusqu'à 36% des enfants de moins de 3 ans dépassaient justement la dose journalière tolérable. Et en plus de ça, on retrouve que chez les enfants français, la concentration à cadmium, elle est 3 à 4 fois supérieure à celle des enfants, par exemple, allemands ou états-uniens. Ah oui, donc la situation est vraiment critique pour les enfants. Mais pourquoi sont-ils plus exposés ? En fait, c'est que chez les enfants, pour une même quantité de cadmium ingéré par rapport à un adulte, en fait, ça va représenter une dose beaucoup plus importante par kilogramme de poids corporel. En fait, ça va signifier que proportionnellement à leur masse, les enfants, en fait, ils vont recevoir une charge toxique plus élevée que chez les adultes. Parce que justement, ça va être proportionnel à leur masse et donc ça va augmenter les risques pour leur santé. Leur organisme, il va être plus petit et en plus en développant. Donc, ce qui fait que ça va être plus sensible aux effets du cadmium. Pour compléter cette réponse, on a posé exactement la question au docteur Mevert, donc qui a participé à la coécriture de la lettre ouverte des médecins libéraux en juin dernier, et voici sa réponse. L'alimentation des plus jeunes, hein, des enfants, est souvent malheureusement assez exclusive. Et les aliments qui sont les plus concernés aujourd'hui par la concentration en cadmium, ce sont des aliments qu'ils consomment préférentiellement et parfois même exclusivement, hein, quand on a du mal quand même à les faire sortir des pâtes, des patates et des céréales en leur disant faut manger varié, faut manger des fruits, des légumes, voilà. Et donc c'est pour ça aussi que les enfants sont beaucoup plus sensibles, en tout cas vont intégrer davantage le cadmium et vont avoir des taux déjà importants. Donc nous venons d'écouter un extrait du docteur Mevert et nous sommes toujours sur AgroJ'écoute. Au fait, Fiona, je me demandais quels sont les effets concrets d'une exposition chronique au cadmium sur la santé. Nous avons aussi posé cette question au docteur Mevert et voici sa réponse. Il y a deux types de pathologies où c'est bon, on a un niveau de preuve suffisant qui nous permet de dire qu'il y a un lien entre le cadmium absorbé et donc les pathologies. C'est d'abord l'ostéoporose, donc la fragilité osseuse, et donc voilà, tout ce qui va favoriser l'apparition de fractures. Et donc avec tout ce que ça peut entraîner comme perte d'autonomie ensuite, qui peut être une perte d'autonomie définitive, hein. Je pense en particulier au col du fémur ou aux vertèbres aussi, hein, les fractures vertébrales. Et on a aussi les pathologies cardiaques, hein. Donc ça aussi, le lien a été avéré, donc c'est un pourvoyeur donc d'insuffisance cardiaque. Donc, voilà. aussi c'est des pathologies quand même qui sont qui peuvent avoir un impact fort sur le maintien de l'autonomie ou plutôt sur la perte d'autonomie, hein, puisque les personnes qui sont qui ont une pathologie cardiaque perdent en autonomie. Voilà, donc ça c'est les principales. Ensuite, pour le reste, on est malheureusement sur des suspicions. Parfois des suspicions fortes. Alors, on n'a pas pu s'empêcher, mais on n'est pas les seuls, hein, on n'a pas pu s'empêcher de faire le lien, en particulier avec les cancers. Alors, en faisant donc, on sait sur quels organes en particulier le cadmium va se greffer. Malheureusement, il se greffe un peu partout. Hein. C'est vrai qu'il y a une accumulation, et puis la plupart des organes sont concernés. Il va y avoir des organes parfois où c'est un peu plus le cas que d'autres. Je pense en particulier aux reins, au foie aussi, mais ça peut être aussi les poumons, le pancréas, ça peut être les organes de la reproduction aussi, l'encéphale aussi, donc le cerveau, hein, donc là où ça concernera plus particulièrement les enfants aussi, où on a quand même aussi un suivi qui se fait par rapport aux troubles du neurodéveloppement et le lien qu'il peut y avoir avec les métaux lourds et le cadmium en particulier. Nous venons d'écouter à nouveau le docteur Mevart et nous sommes toujours sur AgroJ'écoute. Mathilde, je me posais une question. Il n'y a pas une législation pour réguler le cadmium dans nos assiettes ? Alors si, en effet, il y a même plusieurs cadres réglementaires qui sont mis en place. Notamment, un des plus importants, ça va être celui au niveau du taux de cadmium dans les engrais phosphatés. Parce qu'en fait, ça va être la source de cadmium qu'on peut le plus contrôler. Donc, il y a une norme française qui a été mise en place en 2011 qui plafonnait le taux de cadmium dans l'engrais phosphaté à 90 mg de cadmium par kilo d'engrais. Ensuite, ce seuil a été de nouveau abaissé en 2018, donc pour une application en 2022. Et donc, il y a eu un abaissement à 60 mg de cadmium par kilo d'engrais phosphaté. Et suite à ça, donc, à partir de juillet 2026, il va y avoir un nouvel abaissement de seuil à 40 mg de cadmium par kilogramme d'engrais phosphaté. En fait, ces abaissements, ça va tendre à poursuivre les recommandations de l'ANSES, qui, elle, voudrait un plafonnement du seuil à 20 mg de cadmium par kilogramme de phosphate. En fait, cette recommandation, elle est déjà appliquée au niveau de l'Europe, donc notamment en Finlande, en Slovaquie ou en Hongrie. Et il va sûrement y avoir une généralisation au niveau de toute l'Union européenne, prévue pour 2034 à peu près. Ensuite, on va retrouver une autre réglementation européenne qui, elle, cette fois-ci, va s'appliquer au taux de teneur maximum de cadmium qui peuvent être contenus dans les denrées. Donc, par exemple, les rognons ou le poulpe, eux, il va y avoir une limite max à 1 mg par kilo. Ou si on prend le céleri ou les épinards, eux, ça va être 0,1 mg par kilo. Ensuite, l'aliment qui contient le plus de cadmium, en fait, ça va être les algues. Et ici, il va y avoir un plafonnement à 3 mg par kilo. Merci les filles pour ces informations, mais bon, ça me fait un peu peur tout ça. Existe-t-il des moyens pour limiter notre exposition au cadmium ? Oui, aujourd'hui, il existe plusieurs pistes pour limiter notre exposition au cadmium qu'on peut délimiter en trois échelles, à l'échelle du consommateur, à l'échelle agricole et au niveau réglementaire. Nous allons donc accueillir Monsieur Jean-Yves Cornu, chargé de recherche en biogéochimie des nutriments et éléments traces de l'UMR IPSA, interaction sol-plante-atmosphère à l'INRAE de Bordeaux, qui va nous parler des leviers agronomiques. Bonjour Monsieur Cornu. Bonjour à tous. Donc nous, on se posait une petite question. Quels sont les leviers agronomiques qui sont actuellement mis en place? Donc on pourrait penser par exemple à des variétés qui sont résistantes ou des choses comme ça? D'accord, donc pour limiter plutôt que l'exposition, l'accumulation en cadmium dans les denrées agricoles, je vais reprendre un petit peu ce que vous aviez dit dans votre déroulé. La première phase, c'est la phase de diagnostic. Donc ce qui est mis en place, eh bien finalement, je ne sais pas si on peut parler de mise en place, mais il y a des outils qui ont été développés par notre institut et dont on espère qu'ils vont être repris le plus possible par la profession. On a parlé de l'outil blessure, qui est un outil de diagnostic qui permet à partir d'une analyse de terre de savoir si une parcelle est à risque vis-à-vis du cadmium pour la culture considérée. L'interface a été développée pour le modèle blé dur, vous l'avez dit, c'est un modèle de céréales, donc accumulateur de cadmium. Parmi les céréales, il accumule notamment bien plus que le blé tendre, donc c'est pour ça qu'on l'a développé pour ce modèle. Et donc cette interface permet à partir d'une analyse de terre, donc par exemple pH, matière organique, mais aussi évidemment une variable très importante, ça va être la teneur en cadmium du sol, et bien de prévoir le facteur de risque de contamination de la denrée blé dur sur cette parcelle. Ça sous-entend que on mesure les analyses qu'il faut rentrer dans le modèle au niveau du sol, ce qui est très systématiquement fait sur pH, matière organique, etc., beaucoup moins sur cadmium. Donc c'est ça un peu qui limite cet outil d'évaluation des risques dans son utilisation. Mais blessure a fait un lien avec les données qui sortent de ce qu'on appelle le réseau de mesure de la qualité des sols, qui permet sur un maillage relativement fin du territoire français d'avoir toute une série de mesures. Et donc sur l'interface, on peut simuler à une résolution régionale pas trop grossière, finalement, les risques pour la culture blessure, en rentrant, à défaut de les avoir mesurés, les teneurs en cadmium qui sont fournis par ce réseau. Donc ça, c'est la première réponse, c'est le diagnostic. Et après, oui, le deuxième levier est très puissant, hein, il en existe d'autres intermédiaires, on va dire, qui concernent la fertilisation, la qualité des fertilisants. On a parlé des engrais phosphatés, dont il faut évidemment s'assurer du niveau de contamination en cadmium, la réglementation pouvant aider. Ça va être pareil pour les intrants organiques, les fertilisants organiques de phosphore, dont il faut aussi s'assurer qu'ils ne soient pas trop contaminés ou chargés en cadmium quand ils utilisent, éventuellement de l'eau d'irrigation. Mais le troisième levier, c'est le levier variétal ou levier de la culture qu'on met en place. Alors, suivant ce à quoi on s'intéresse, mais si on reste sur le blé dur, c'est difficile de changer d'espèce, de changer les rotations. Il y a toute une organisation du territoire agricole qui est faite. On ne peut pas du jour au lendemain décider que le blé dur ne se fera pas ici parce que la parcelle est à risque et elle se fera ailleurs. Donc le levier le plus réaliste, c'est le choix du cultivar. Et là, on a vraiment une option très intéressante, puisqu'il y a des cultivars peu accumulateurs de cadmium qui peuvent accumuler 3 à 4 fois moins de cadmium que leurs homologues accumulateurs chez le blé dur. Et donc là, orienter sur ces parcelles à risque la mise en culture de ces cultivars peu accumulateurs de cadmium, c'est le levier à nos yeux le plus intéressant pour à court terme protéger le consommateur. Donc moi ensuite j'avais une autre question. J'aurais voulu savoir dans quelle mesure le choix de produits issus de l'agriculture biologique permettait-il de réduire notre exposition au cadmium ? Oui, alors la question que vous avez souvent posée, elle est justifiée. Je vais en revenir sur cet aspect de la responsabilité donnée aux engrais phosphatés. Donc les engrais phosphatés ne sont pas utilisés en agriculture biologique puisque c'est un engrais minéral. Il est juste de dire que ces fertilisants phosphatés sont souvent chargés en cadmium, notamment quand ils viennent d'origine géographique qui, pour des raisons naturelles, font qu'ils sont chargés en cadmium. On pourrait être tenté de se demander si, substituer les engrais minéraux des engrais de nature organique, ou alors sur des origines d'engrais minéraux qui sont non transformés, ce que permet aussi l'agriculture biologique. Ça permettrait de résoudre le problème. On comprend que tout est une histoire de qualité de la source organique de l'intrant. Ça peut être une solution à condition de bien vérifier la teneur en cadmium des intrants organiques de phosphore dans les systèmes agricoles. Et ça peut être hautement variable en fonction de l'origine de ces intrants organiques. Mais globalement, c'est un levier qui est exploré, qui peut être complémentaire au fait de baisser la teneur en cadmium, dans les phosphates minéraux. Et on va arriver sur la fin de l'interview. Et est-ce que vous auriez un dernier mot pour la fin ? Le dernier mot pour la fin, je dirais que c'est qu'il y a un cadre réglementaire qui existe pour protéger le consommateur. Il est aussi en mouvement. On a vu des restrictions réglementaires sur les denrées qui tendent à protéger le consommateur. On a vu aussi une évolution sur les engrais phosphatés. Donc, cette question, la recherche et l'État en a conscience. Et elle met en place des choses pour continuer de protéger de manière la plus efficace possible le consommateur. Donc je pense que c'est la sonnette d'alarme tirée en aval par les surexpositions a été entendue et les choses vont continuer de se mettre en place, je l'espère, de manière la plus rapide possible pour répondre à cet enjeu. Mais pas panique à bord, je pense qu'il faut... il faut garder à l'esprit que voilà, une action est en place. Très bien, merci beaucoup Jean-Yves Cornu pour cette intervention concernant les leviers possibles pouvant être mis en place au niveau de l'agriculture. À présent, nous allons voir quelques idées de leviers qui peuvent être mis en place au niveau des consommateurs et au niveau des pouvoirs publics. Donc pour commencer, pour les consommateurs, je pense qu'il est primordial qu'ils disposent d'informations claires sur le sujet du cadmium afin d'évaluer eux-mêmes les risques. Et dans un second temps, la diversification de l'alimentation et des sources d'approvisionnement constitue également un levier important pour réduire son exposition au cadmium. Ensuite, consommer des produits issus de l'agriculture biologique peut contribuer à réduire un petit peu l'exposition au cadmium, même si cette réduction reste partielle, les terres agricoles étant parfois déjà contaminées avant leur conversion. Ensuite, pour ce qui est du plan réglementaire, les mesures elles pourraient inclure un abaissement des seuils légaux de concentration de cadmium dans les engrais provenant du Maroc. D'ailleurs, apparemment, des discussions seraient en cours justement suite à la lettre ouverte qui a été rédigée par les médecins libéraux cet été. De plus, il pourrait également y avoir un élargissement du Nutri-Score qui pourrait inclure un score de contamination au cadmium sur les produits, donc ce qui permettrait de faire un peu plus connaître les risques au niveau des consommateurs. Ensuite, il serait également possible de favoriser le bio dans les restaurations collectives et les cantines pour que justement les enfants s'habituent à consommer bio et peut-être justement essayer de limiter dès le plus jeune âge l'ingestion du cadmium. Pour conclure, le cadmium, ce métal invisible mais omniprésent, nous rappelle que la pollution des sols est un enjeu à la fois environnemental et de santé publique. Il ne s'agit pas de problèmes créés par les agriculteurs, mais plutôt d'une pollution héritée, issue de sources naturelles et surtout anthropiques, qui dépassent l'impact des pratiques agricoles. Heureusement, des leviers existent pour réduire notre exposition et protéger notre santé, à condition d'agir collectivement. Car si le cadmium est un défi, il est aussi l'occasion de repenser notre rapport à la terre et à ce que nous consommons, à nous d'en faire une priorité. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast intitulé « L'héritage toxique de nos pratiques ». Nous espérons que cela vous a plu. Nous tenons à remercier nos intervenants, M. Jean-Yves Cornu et M. Pascal Mévert, pour leur disponibilité et pour leurs réponses précieuses. Nous remercions également l'École d'ingénieurs de Purpan et nos professeurs Simon Giuliano, Aline Bouvard et Manon Aubin, qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. Et enfin, merci à la commune de Toulouse, la région Occitanie et Campus FM pour nous avoir donné l'opportunité d'enregistrer ce podcast. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les autres épisodes d'AgroJ'écoute sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt !